Je suis né sur Internet, je mourrai sur Internet, je fais l'argent d'Internet, je suis la pute d'Internet, Internet, un peu plus vivre à travers ce putain d'Internet. Facebook de tonton Sistra, Internet. Gucci, AliExpress, 10 balles, Internet. VPN, abonnement pirate, Internet. Ta frangine au volant qui rappe, go investir dans la crypto, Internet. Un mec parle trop dans un micro, Internet. Développement personnel mytho, Internet. Un abruti interview un idiot, Internet. Complot avec la voix de Google, Internet. L'épisode s'est lancé tout seul, Internet. Gênant, bizarre, embarrassant, Internet. Un chimpanzé court après un serpent, Internet. Classement des meilleures ventes d'albums, Internet. Freestyle et tendance skyrock. T'en parles, y'a une pub qui pop. Ta maman fait des movie pop. Top 10, top 3, que des tops. Insère l'expression à la mode. Trouve trois feux rouges sur le captcha. Change de frein quand tu claques des doigts. Saute d'un toit sur un autre toit. Fight dans un parc municipal. Théorie sur la mort de Tupac. Pianiné toujours en tournage. Clique si t'as oublié ton mot de passe. T-shirt Nirvana d'occasion. Consultant digital nomade. Tuto pour cuire une dorade. Spam, spam, spam, spam, spam. Scam, scam, scam, scam, scam. Highlight de Zidane, full vidéo sur OnlyFans. Programme pour devenir balèze. Elle fait 22 mais elle en a 13. Rêve de même dont j'ai pas la ref. Ils chantent la traîne, ils connaissent pas le reste. Défilé de vêtements haut de gamme. Un sportif couche avec une autre femme. Danse de bébé adorable. La Russie élimine les otages. La liste de toutes les meilleures listes. Président pédophile sataniste. Analyse de bons films par des beaufs. Merde, j'ai un appel, ça m'épose.